je pleurais. Choisir entre parfait ou parfait. Tu peux recompter mes larmes sur ton parquet. Mais si quelque part je te vois appuyer depuis ton appartement. Mais si quelque part j'aimerais plus y penser. Je sais pas comment, comment. Je t'offrirai des fleurs en plastique. Je veux tes mains, tes yeux, mon élastique. C'est toi qui mets la danse, la gymnastique. Oh oui. Qu'est-ce qu'on est beau ensemble, c'est l'amour cosmétique. Mais t'es quelque part, je te vois plus depuis ton appartement. Mais si quelque part j'aimerais plus y penser. Mais je sais pas comment.